The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Time. L'heure. Mister. Le monsieur. To eat. Manger. Breakfast. Le petit déjeuner. Small. Petit. Now, a bit faster. Mister. Le monsieur. Breakfast. Le petit déjeuner. Mister. Le monsieur. Time. L'heure. Breakfast. Le petit déjeuner. Mister. Le monsieur. Time. L'heure. Small. Petit. Time. L'heure. Now, use the words in context. Le monsieur. Good morning, sir. Bonjour, monsieur. L'heure. It's time. C'est l'heure. Manger. I eat fruit every day. Je mange des fruits tous les jours. Le petit déjeuner. It's breakfast time. C'est l'heure du petit déjeuner. Petit. My bed is too small. Mon lit est trop petit. L'heure. It's time. C'est l'heure. Manger. I eat fruit every day. Je mange des fruits tous les jours. Petit. My bed is too small. Mon lit est trop petit.